Chacun ses rêves, chacun ses peines. La juge fait cantiner des gosses pour un peu de deal. Pour avoir monté de la patate au centre-ville. Sacré des barrettes et des schlasses, des glocks et des sachets. La tête dans la cuvette alors qu'elle a sa place dans les étoiles. Parle au gosse sous le maillot de foot, parle au mot. Si tu parles mal de sa famille, part en couille. Le père est parti, la mère s'est pendue. 14 ans et demi, prison pour mineur. Tu parles d'un coup de crasse, la morale a un coup de barre. Tu leur donnes un coupon, ils te font un coupable. Donne-leur un coton, tige, ils te font du feu. Alors ils fument, ils font des vœux. Le SS me dit que c'est pas des jeunes qui feront des vieux. Les deux pieds dans la brèche, la cristalline par la fenêtre. C'est pas une bouteille à la mer. Regarde dans les étoiles, les deux pieds dans la brèche, la cristalline par la fenêtre. C'est pas une bouteille à la mer. Regarde dans les étoiles, les deux pieds dans la brèche, la cristalline par la fenêtre. C'est pas une bouteille à la mer. Chacun ses drames, la vie met des tacles à la gorge comme Yapstam. Pour mes gosses nés dans des caves comme Batman. J'ai vu des gamins sans câlin, ça donne peu de couleur dans les yeux. Pour mes enfants de foyer aux espoirs merveilleux. Papa défoncé, maman sous 8-6. Ta fille de 12 ans qui assume la cuisine. Si mon père m'a mis des torgnoles, il m'a aussi donné du love. Aussi vrai que tous les parents c'est des mômes. Dans la BO de ta vie c'est un soupir. Faut pas que tes plus grands espoirs soient que des souvenirs. Pour ceux qui ont un peu froid quand ils vont dormir. Ceux qui ont un peu peur quand il faut sourire. Regarde dans les étoiles, les deux pieds dans la brèche, la cristalline par la fenêtre. C'est pas une bouteille à la mer. Regarde dans les étoiles, les deux pieds dans la brèche, la cristalline par la fenêtre. C'est pas une bouteille à la mer.